Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, 60 nouveaux épisodes des Teletubbies seront produits pour CBeebies. À la place, jouez donc dans le désordre parce que c'est toujours la même affaire, puis envoyez-moi le cachet. Dans Segment Geek, c'est Alex, un robot personnel capable d'interpréter les émotions. Ça doit être comme un ours, hein, il va être capable de savoir que j'ai peur de lui, t'sais. J'en veux pas. Et dans Merci Science, prendre des photos a un impact négatif sur la mémoire. Hashtag No More Selfies au Mathieu Plante Show tout de suite. Et voici celui qui craint le jour où les robots prendront des selfies. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, notre segment Geek CNX, le survol du web dans WoW at Web. C'est un fait Tech Edition et la chronique de sciences et technologies. Merci science, comme toujours. En passant, la semaine passée, on était en congé. C'était une rediffusion du mois de mai. Ne vous en faites pas avec ça. Là, je suis de retour avec du nouveau contenu aujourd'hui même et on va encapsuler les deux dernières semaines. En tout cas, ce que j'ai trouvé est vraiment important et immanquable de la semaine passée et ce qu'il y a eu cette semaine. Dans quelques minutes, on va débuter avec Télévision, comme on le fait tout le temps. Mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et je vous propose une chanson de Yersmiley. Wow! Voici Courtesy Super Hexagon cover tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou! Yersmiley. Ouais. We'll be right back. Excuse Me et Crazy, un cover de ZX plus AY d'une chanson de Super Hexagon Chipsel. Aucune idée ce que tous ces mots-là veulent dire, mais je sais que c'est bien. Le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr. Tantôt plus de chiptune, mais avant ça, on commence avec Television, Television. C'est Télévision, Télévision, la chronique télévisuelle du Mathieu Plante Show. On débute avec le Québec. Après ça, on passera au Canada et ailleurs. Mais au Québec, Mike Ward va animer une quotidienne à Musique Plus. Avez-vous entendu parler de ça? L'humoriste Mike Ward, reconnu pour son humour grinçant, sera à la barre d'une nouvelle quotidienne de fin de soirée à Musique Plus cet automne. Une émission de 30 minutes dont le titre n'a pas encore été révélé, qui va être diffusée du lundi au jeudi à 23h. Parodiant la formule classique des magazines culturels, l'émission accueillera chaque soir des collaborateurs et des chroniqueurs réguliers qui présenteront notamment des sketchs et des vidéos humoristiques. Donc, Mike Ward est super excité, etc. Il y a autre truc de communiqué de presse, mais Musique Plus va diffuser aussi cet automne la 5e saison de Kleptoman. Je trouve que c'est une drôle d'idée d'animer, d'avoir une émission de fin de soirée à Musique Plus. On dirait que les émissions maison de Musique Plus sont pas ce qu'il y a de plus connu sur la chaîne. C'est des émissions de télé-réalité, donc j'adore le fait qu'ils choisissent de le faire. Sauf que si on se fie à l'historique de Musique Plus et leurs émissions quotidiennes, ça a tendance à tout le temps être retiré après une saison et on essaie d'autres choses, on essaie d'autres choses, on essaie d'autres choses. La fin de soirée n'a pas été essayée depuis un maudit bon bout de temps à Musique Plus. Même, je pense qu'une quotidienne de fin de soirée, c'est jamais arrivé à moins que je me trompe. On souhaite bonne chance à cette émission-là. Une parodie d'émission culturelle, ça fait changement des émissions de nouvelles qui sont souvent parodiées, que soit par Pierre Brassard au Québec récemment, ou aux États-Unis avec le Daily Show et les autres émissions comme ça. Donc, ça fait du bien de voir un petit quelque chose de différent. J'ai quand même hâte de surveiller ça. Lundi au jeudi, 23h à partir de cet automne. On passe à Vrac, maintenant, qui aussi se lance dans les soirées. Peut-être pas fin de soirée, eux, mais au moins soirée. Du lundi au jeudi, de 19h à 23h, dès le 25 août, Vrac va proposer Vrac 2. Une soirée télé. C'est pas une nouvelle chaîne. Avec le nom Vrac 2, on pourrait s'attendre à une chaîne dérivée. Mais non, c'est vraiment juste un bloc sur la chaîne principale, la seule chaîne de Vrac. Donc, une soirée télé pour les plus vieux. La chaîne qui se concentre principalement sur les 12-17 ans va offrir un contenu pour plaire à ce qu'on appelle maintenant en français les adolescents. Hein, ça, c'est les entre-deux, entre adultes et adolescents. Vous aurez compris. Côté primaire, Vrac 2 va diffuser New Girl, mettant en vedette Zooey Deschanel, ainsi que Two Broke Girls, en version française, qui s'appelle Deux filles fauchées. Papa Outé, qui est la version française de Generation Creo. Hein? On m'a volé mes jeans, version française de I Just Want My Pants Back. Et Ravenswood, qui est la série dérivée de Les Menteuses, ou encore Pretty Little Liars. Je cite la directrice principale de la programmation à Vrac. Vrac 2, je cite, la grande sœur de Vrac, offre un univers unique au Québec et qui veut plaire aux adolescents. L'objectif est de garder notre public avec nous pour plus longtemps, même s'il grandit. Les soirées présenteront donc une programmation avec plus de mordant que celle de jour. Bonne idée, je trouve le nom vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Il y a beaucoup d'émissions qui étaient plus pour un public adulte sur la version normale de Vrac TV. Adulte, ou en tout cas, peut-être pas nécessairement pour les jeunes de 12 ans qui, d'habitude, écoutent Vrac TV à ces heures-là, comme, mettons, The Big Bang Theory. Donc, peut-être que des émissions comme ça pourraient prendre les soirées, ça aurait plus de sens. Jusqu'à récemment, en tout cas, il me semble que c'est encore comme ça, sur les soirées sur Vrac TV, c'était des trucs bien normales, juste des rediffusions d'autres choses, où il y avait Degrassi, la génération pendant un bout de temps, l'ancienne génération, les vieilles reprises de Degrassi qui étaient là. Moi, j'aurais préféré un bloc Vrac Rétro. Tant qu'à commencer à faire des blocs avec des marques, je l'ai souvent dit, un petit Vrac Rétro, là, la fin de semaine, le matin, quelque chose comme ça, ou à des cases horaires que personne n'écouterait, peut-être d'ennui, justement. T'sais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, je pense qu'ils feront jamais ça. On passe à Télétoon maintenant. La chaîne spécialisée a annoncé la création de 3 nouvelles productions québécoises. À l'occasion du Festival international des médias de Banff, Télétoon a ainsi souligné la production d'une nouvelle émission mettant en vedette les grandes gueules. On l'avait déjà mentionné ici à l'émission. Mais il y a aussi Craqué et Toon Mart Marty, dont le titre en français n'a pas encore été déterminé. La série sur les grandes gueules, on sait, ça va être basé sur les sketchs des 19 dernières années de ce célèbre duo, entre guillemets, humoristique. Craqué racontera pour sa part l'histoire de Ed, un papa autruche un peu paranoïaque qui veut protéger ses 8 œufs hyperactifs. Wow! Du côté de Toon Mart Marty, ça va suivre les aventures d'une mascotte qui prend vue. C'est une mascotte de dépanneur, j'imagine. En français, on pourrait sûrement appeler ça Dédé du dépanneur. T'sais. Hein? Pas pire, ça. Je vous donne ça gratuitement, Télétoon. Non, faites pas gratuitement, si vous le prenez. Télétoon propose également 3 nouvelles productions canadiennes originales, soit Atomic Puppet, marionnette atomique, hein? Freak vs. Sweet et Winston Steenberger and Sir Dudley Ding Dong, dont les titres en français seront annoncés ultérieurement et vont sûrement faire dur. La chaîne a par ailleurs renouvelé les productions Camp Marécage, Défi Extrême, Faut pas rêver et Au pays des têtes à claques, oui, ça fonctionne encore, les têtes à claques, croyez-le ou non. On va un petit peu plus mainstream que les chaînes spécialisées. On y va avec TVA. Nathalie Roy a fait disparaître Charlotte Lavigne après trois romans, mais l'auteur d'origine sherbrookoise continuera de lui inventer une vie épicée. Hein, la vie épicée de choses de Charlotte Lavigne. TVA a accepté de développer une télésérie autour du personnage de l'animatrice épicurienne, dont les péripéties sur papier sont écoulées à plus de 60 000 exemplaires. Le réseau a ainsi commandé la Bible d'une première saison à la maison Aesios de Fabienne Larouche, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, qui possède les droits de la série de littérature pour jeunes filles, ce qu'on appelle de la chiclet. Depuis l'année dernière, Nathalie Roy en sera la scénariste principale, alors que la notoire productrice, Fabienne Larouche, agira en tant que script éditrice. Elle tient à avertir ses fidèles lectrices, l'auteur, qu'elles devront faire le deuil de certains personnages. Et là, c'est le bout que je comprends pas de l'article. Si la série se rend en onde, un des personnages les plus connus du livre ou de la série de livres, Hugo, ne reviendra pas. Je cite, « Depuis la publication du premier tome en 2010, on a vu trop d'amis gays à la télé. Ce personnage sera donc abandonné. Le personnage masculin important dans la vie de Charlotte pourrait ainsi devenir son frère. L'histoire ne sera pas non plus celle des romans. Nous inventerons de nouvelles intrigues. En télé, beaucoup d'intervenants ont leur mot à dire. » Fin de la citation. J'imagine que ça, c'est de la création par comité, comme on appelle. C'est-à-dire que personne veut la même chose. Et là, ben, on fait des compromis, puis on essaie de se rendre à une solution qui va être la plus fade possible. Donc, j'imagine que c'est ce que ça a donné de ce côté-là aussi. Je comprends pas. Les amis gays, okay, c'est pas parce que c'est à la mode. C'est parce que c'est ce qu'il y a dans la vraie vie. C'est basé sur la réalité. Je veux dire, on n'a pas forcé ça à personne à la télé. Je trouve que cette opinion-là, en tout cas. Donc, c'est une ancienne journaliste qui est maintenant chroniqueuse au Journal de Montréal et qui va faire une émission à TVA. Donc, bon, ces opinions-là sont sûrement celles de la maison mère. Passons au Canada anglais, où on a un petit peu plus d'originalité. CTV veut créer sa propre utopie. La chaîne canadienne CTV est le sixième diffuseur à acquérir les droits de remake de la série Utopia, dont on a déjà parlé ici au Mathieu Plante Show, une télé-réalité multiplateforme de la société Talpa. L'émission a été créée par le fondateur de Talpa, John DeMol, celui qui a fait Big Brother, Deal or No Deal, The Voice, Fear Factor. C'est donc tous les télé-réalités qui ont du succès et qui sont bonnes, ainsi que The Voice. Elle présente 15 candidats qui ont la possibilité de construire leur propre société idéale à partir de zéro. Ils seront coupés du monde réel pendant un an. Ils seront suivis par des caméramans pendant 24 heures, et des éléments de médias sociaux donneront au public l'occasion de se rapprocher de l'émission et à certains points même d'entrer dans la vie des participants. CTV, qui appartient à Rogers Broadcasting, présentera cette nouvelle série réalité multiplateforme entièrement interactive sur son calendrier de l'automne-hiver 2014-15. Le format a été lancé aux Pays-Bas sur SBS 6 le 6 janvier dernier et a déjà été acheté par les États-Unis pour la Fox, la Turquie chez TV8, la Roumanie chez Prima TV et l'Allemagne chez Sat1. Ça, pour vrai, c'est le genre d'émission que j'ai hâte de suivre. Je me demande comment ils vont s'organiser pour avoir la version américaine et la version canadienne. J'imagine qu'il va y avoir des cycles et qu'ils joueront pas en même temps. Parce que ça commence à être dur à suivre sinon. Un peu à la Big Brother. Game of Thrones, maintenant, on va pouvoir apprendre le langage de Draki. Ouais. Donc, les plus passionnés des amateurs de la série Game of Thrones pourront bientôt apprendre cette langue imaginaire comme le russe ou l'hindi. La langue inventée par le linguiste David Peterson pour les besoins de la série culte diffusée sur HBO aura à partir du 7 octobre sa méthode avec liste de vocabulaire, grammaire et prononciation. Dans cette culture totalement dédiée aux chevaux, je cite ici, « Quoi que vous fassiez, ne traitez jamais un guerrier Dothraki de Ifak », qui veut dire « piéton », c'est ce que nous dit le communiqué de presse. Et Dothraki est parlé dans la série par la tribu menée par la belle Daenerys, aux cheveux blancs, chef de guerre en lutte pour reconquérir le trône de fer. La méthode qui sera disponible en livre et en CD, application et cours en ligne est supervisée par le créateur de la langue, qui affirme qu'elle transformera chacun de Arak à Zavorsa, sans donner la traduction. Hein? C'est mystérieux, là, mais il va falloir acheter le livre pour le savoir. Maintenant, on passe dans un autre domaine, Le Roi Lion, qui va rugir à la télévision. Le film d'animation de Disney, Le Roi Lion, connaîtra plusieurs suites au petit écran à partir de 2015. Keon, le deuxième enfant de Simba et Nala, deviendra le héros de ses nouvelles aventures attendues sur Disney Channel. En 1994, l'histoire de Simba passionnait le monde entier, au point de rapporter à son studio pratiquement 800 millions de dollars. 20 ans plus tard, Disney entend donc relancer son succès à la télé avec The Lion Guard. Ce téléfilm prévu pour la diffusion pour une diffusion en 2015 suivra Keon et sa troupe de lions chargés de protéger la jungle et le royaume des lions. La suite va accueillir quelques personnages mythiques du film original, dont le suricate Timon et le pacochère Pumba. J'espère que je prononce tout correctement. Des dérivés suivront cette aventure inédite à partir de 2016, encore une fois sur Disney Channel. Un film télévisé sur Grumpy Cat est en préparation. L'une des grandes vedettes d'Internet, le célèbre Grumpy Cat, passera Noël à la télé. Selon le Hollywood Reporter, l'énorme chat tiendra le rôle de félin qui ne réussit jamais à se faire adopter dans un film tourné pour la chaîne Lifetime. Une fillette de 12 ans réussira cependant à communiquer avec lui. Le film Grumpy Cat's Worst Christmas Ever, le pire Noël à vie du chat grincheux, sera tourné cet été. L'acteur qui prêtera sa voix au chat n'a pas encore été choisi. Le scénario sera signé par Tim Hill, celui qui était responsable, entre autres, des scénarios de Bob l'Éponge, et Jeff Morris, selon le Hollywood Reporter. Lui, tu vois, quand on met pas de parenthèse après son nom, c'est qu'il a fait absolument rien de notable. Hors du web, Grumpy Cat est baptisé Tartar Sauce, c'est son vrai nom, Tartar Sauce, et il habite en Arizona. Maintenant, la nouvelle qu'on a mentionnée en introduction, la plus importante de la semaine, DHX Media va produire 60 nouveaux épisodes des Teletubbies. Les Teletubbies, donc, seront de retour à la télévision grâce à une compagnie de production canadienne. Après plus de 10 ans d'absence, la série qui a fait le bonheur de plusieurs tout petits sera relancée par le producteur de contenu pour enfants de Halifax, DHX Immédiat. DHX, donc, a annoncé la production de 60 nouveaux épisodes des Teletubbies pour la chaîne britannique CBeebies. Les conditions financières de l'entente n'ont pas été dévoilées. Les producteurs ont précisé que les personnages de Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po seraient de retour dans la série, mais que celle-ci serait modernisée pour adopter une facture visuelle plus contemporaine. Évidemment, on parle de graphiques par ordinateur, des nouveaux CGI qui vont être ajoutés et tournés sur des répliques des décors. Les épisodes originaux avaient été tournés à l'extérieur sur une ferme du Royaume-Uni. Ça avait l'air faux. J'avais l'impression que c'était des décors de carton tellement c'était lumineux et bien coloré. Mais c'était vraiment dehors. On avait, j'imagine, fait des jeux de lumière et ajustement de couleurs pour avoir l'air presque d'être faux. Lorsque la série a pris fin il y a plusieurs années, la maison des Teletubbies avait été démolie et remplacée par un étang. Les Teletubbies sont demeurés très populaires partout à travers le monde. L'émission a été présentée dans plus de 120 territoires et a été traduite en 45 langues. DHX Media a gonflé son catalogue de populaires produits pour enfants et l'entreprise a fait l'acquisition des Teletubbies l'an dernier lorsqu'il a racheté Ragdoll Worldwide à BBC Worldwide et d'autres investisseurs pour environ 28 millions. L'acquisition incluait 365 épisodes des Teletubbies, la série originale produite entre 97 et 2001. Et 52 autres épisodes de la suite Teletubbies Everywhere, en plus de 10 autres séries pour enfants. DHX Media crée, vend et distribue des licences pour d'autres émissions comme Caillou et Yo Gabba Gabba. C'est une bonne nouvelle pour les enfants, bien sûr. Mais comme j'ai dit en introduction, il me semble que les Teletubbies, tous les épisodes étaient pareils. On faisait juste crier, danser, gambader sur des collines. Donc, je sais pas. Mettez les scènes dans un autre ordre. Appelez ça une nouvelle série. Mettez ça... je sais pas trop. En tout cas, il me semble que ça apporte pas grand-chose comme contenu. Contrairement à la prochaine émission qui revient, celle-là me rend heureux. C'est le bus magique. Magic School Bus revient sur Netflix. Incroyable, Netflix a annoncé qu'ils allaient rebooter The Magic School Bus avec un nouveau titre, The Magic School Bus 360 degrés, bien sûr. Comme tout dans la vie, hein. Que ce soit Anderson Cooper, Norton ou n'importe quel autre produit, tout s'appelle 360. Donc, l'émission populaire des années 90, émission de science, bien sûr, va avoir 26 épisodes de 30 minutes. Généré par ordinateur et non plus dessiné à la main, malheureusement pour les fans du look original dessiné à la main du Magic School Bus. Donc, le redémarrage, si on veut, arrive alors que Netflix a commencé à diffuser en streaming l'émission originale aux États-Unis. C'est devenu l'émission éducative la plus populaire sur Netflix, selon Time Magazine. L'émission a été diffusée à l'origine sur PBS aux États-Unis et TVA au Canada il y a 20 ans. Le dernier épisode date de 97 selon The Verge. L'émission a commencé comme une série de livres pour enfants tournant autour de Miss Frizzle, une professeure enseignante au primaire. Et elle amenait ses étudiants, ses élèves. J'ai de la misère avec la différence entre professeur et enseignant, entre élève et... En tout cas, bref, elle les amenait en excursion à l'intérieur d'une tarte, dans l'espace, dans le corps des étudiants, etc. Donc, on ne sait pas encore quand l'émission va être diffusée sur Netflix, mais on se dit 2016, avec une nouvelle Miss Frizzle, un autobus plus technologique, rénové, vraiment moderne et peut-être même futuriste. Il y a un paquet de nouveaux voyages. J'imagine qu'ils vont refaire des voyages dans les endroits où ils sont déjà allés, parce qu'à un moment donné, c'est pour que ça reste... comment dire? Faut retourner à la base des fois parce que les enfants vont pas nécessairement tout le temps regarder l'ancienne émission. S'il y a une nouvelle émission, ils vont juste commencer à écouter la nouvelle émission et retourneront peut-être plus en arrière. Donc, ce serait une bonne chose. Maintenant, c'est pas une bonne chose parce que c'est bon d'écouter l'original aussi. Dans les codes d'écoute, maintenant, pour la semaine du 26 mai au 1er juin, on va faire un petit retour en arrière avec les positions 15 à 6 en rafale. TV à nouvelle 17h, la petite édition, l'épicerie, faire l'humour, tranche de vie, les gags juste pour rire, sucré salé, TV à nouvelle 18h et route fortune chez vous, qui n'est pas encore une fois une émission, c'est 3 minutes. En cinquième position, LOL à TVA. En quatrième, testé sur des humains. En troisième, la poule aux œufs d'or. Deuxième, dans l'œil du dragon à Radio-Canada. Et en première place, c'est le hockey des Canadiens, séries éliminatoires, rond 3 sur RDS. Au Canada anglais, 15e à 6e en rafale, CTV National News, les nouvelles, CTV Evening News Weekend, CSI, les finales de la NHL, LNH, Believe, Motive, Hell's Kitchen, 24, Live Another Day, So You Think You Can Dance et The Big Bang Theory. En 5e, c'est les nouvelles de CTV. En 4e, America's Got Talent. En 3e, Rookie Blue sur Global. En 2e, Master Chef, et non pas Master Chief, sur CTV. En première place, les finales, Round 3, Truc LNH sur CBC. Voilà pour les cas d'écoute. Côté talk show maintenant. Commençons par David Letterman sur CBS à 23h35 sur CBS. Encore une fois, je l'ai déjà dit. Ce soir, lundi, Susan Sarandon, Whitney Cummings. Mardi soir, Olivia Wilde. Quand même cool. Mercredi, Dana Carvey, humoriste anciennement de Saturday Night Live. Ellie Kemper, qu'on connaît pour The Office et qui va avoir sa propre sitcom très bientôt. Jeudi soir, Paul Rudd, quand même connu aussi. Jimmy Fallon sur NBC, toujours à 23h35. Jennifer Lopez est là ce soir. Mardi, Kevin Hart. Jeudi, George Lopez. Et vendredi, Amanda Seyfried et Will Ferrell. C'est une rediffusion. Jimmy Kimmel Live, toujours à 23h35, mais sur NBC. Lundi soir, Lena Headey. De c'est quoi cette émission Girls, elle? Mardi, personne. Mercredi, Mike Tyson. Jeudi, personne non plus, mais je devrais lire ça un petit peu avant. Craig Ferguson à minuit 35 sur CBS. Je vais dire mardi, Simon Helberg qui joue dans Big Bang Theory. Seth Meyers sur NBC. Mike Myers est le mercredi soir. Et je vous laisse voir le reste de la liste sur assemblagerequis.com. Beaucoup de no-name brands, on dirait, il me semble, cette semaine. C'est pas une grosse semaine d'invités. C'est l'été, bientôt, hein? Normal. Voilà pour Television et Television. Dans quelques instants, ce sera Merci Science. On va parler, entre autres, de comment effacer et réactiver la mémoire. Il y a aussi piloter un avion par la pensée qui devient une réalité. Dans le bloc Merci Science dans quelques instants. Mais avant ça, une autre chanson de chiptune. On s'en va entendre Island Mountain par Imaginary tout de suite. Au Mathieu Planche Show sur CIF. Mountain. Et c'est ce qui nous amène à Merci Science. C'est Merci Science, où on remercie la science exister parce que grâce à elle, les choses changent et évoluent. Les chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont réussi à effacer et réactiver de manière sélective une mémoire chez le rat. Cette prouesse a été possible en stimulant des circuits neuronaux à des fréquences qui renforcent ou affaiblissent les synapses. Ça va être du technique, vous allez voir. Dans le cerveau, la mémoire serait codée par des modifications de la force des synapses, les connexions entre les neurones. Les circuits où les synapses sont renforcés grâce à la potentialisation à long terme, ce qu'on appelle le PLT, participerait à la mémoire. La dépression à long terme, le DLT, aurait l'effet inverse. Mais les liens entre ces processus synaptiques et la mémoire sont parfois difficiles à démontrer expérimentalement. Une étape vient d'être franchie grâce à ces travaux présentés en ligne dans la revue Nature. Pour la première fois, des scientifiques ont utilisé le DLT et le PLT pour effacer et réactiver un souvenir chez le rat. Je cite, « Nous pouvons former une mémoire, l'effacer et la réactiver à volonté, en appliquant un stimulus qui renforce ou affaiblit de manière sélective des connexions synaptiques. » Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont utilisé l'optogénétique, une méthode consistant à stimuler des neurones qui ont été modifiés génétiquement pour être sensibles à la lumière. Tout d'abord, les scientifiques ont délivré un choc électrique au pied de l'animal et en même temps un stimulus optique au cerveau dans l'amygdale. L'amygdale qui est une région importante dans le conditionnement de la peur, apparemment. Les rats ont ainsi appris à associer la stimulation optique des neurones avec une douleur par un mécanisme de mémoire associative. Résultat, la stimulation optique de ces neurones conduisait à des comportements exprimant la peur, même si le rat ne recevait pas de choc au pied. Wow! Ensuite, les chercheurs ont stimulé les neurones avec des impulsions à faible fréquence pour effacer cette mémoire. Les rats ne montraient alors plus de comportement craintif lorsque les neurones étaient stimulés par optogénétique. La mémoire associée à la douleur avait été donc effacée. Après un conditionnement de DLT, les chercheurs ont inactivé la mémoire. Encore plus étonnant, les scientifiques ont réactivé la mémoire perdue en stimulant à nouveau les mêmes nerfs avec un train d'impulsion à haute fréquence. La mémoire se reformait donc. Les rats reconditionnés ont à nouveau répondu à la stimulation optique en montrant de la crainte. Ces expériences-là montrent que la mémoire associative peut être inactivée et réactivée par la DLT et la PLT, respectivement. Pour les applications, on pourrait s'imaginer réactiver des souvenirs chez des patients souffrant d'Alzheimer, entre autres. Donc, pourrait dans le domaine médical. C'est assez fantastique à entendre. L'article complet vient de futurascience.com et est disponible sur assemblagerequis.com. Des chercheurs américains ont réussi à réparer naturellement des dents de rongeurs en forçant les cellules souches de leurs racines à produire un nouvel ivoire. Réalisé à l'aide d'un simple laser, cette stimulation de cellules est une première, une avancée remarquable dans la médecine régénérative. Les scientifiques savent fabriquer des dents en culture à partir de cellules souches depuis maintenant quelques années. Pour gagner du temps, ils peuvent même les faire pousser dans un être vivant comme dans le rein. Ils ont déjà vu des photos de ça, c'est assez perturbant. Toutefois, ces techniques sont lourdes, invasives et nécessitent de réimplanter la dent à sa place dans la bouche. Et bien, c'est là que réside le progrès majeur de Praveen Arani et ses collègues des universités de Harvard, Cambridge et Boston. Au tréfonds de chacune de nos dents adultes se cachent ces précieuses cellules souches. C'est la même qui ont la capacité de devenir, par exemple, de l'ivoire. Ce sont elles qui intéressent le dentiste Praveen Arani. Comment réveiller ces cellules et comment éviter de devoir les extraire de la bouche d'un patient pour les lui réimplanter après manipulation en tube. Les chercheurs ont mis en évidence, pour la première fois, que le laser à basse puissance dirigé vers la pulpe de la dent a cet incroyable potentiel. Il était envisageable d'armer ce laser directement dans la bouche d'une jeune femme étendue dans le fauteuil du dentiste, sans expérience préalable. Praveen Arani a donc testé son procédé sur les molaires de rats vivants et adultes. Une prouesse technique pour ce dentiste. Après avoir percé l'émail puis l'ivoire de la minuscule dent, il a stimulé la pulpe avec le faisceau lumineux. Il a ensuite rebouché le trou avec une rustine provisoire. Au bout de 12 semaines d'attente, une radiographie à rayon X de haute résolution confirme que l'ivoire se reconstruit. Cette expérience a été reconduite en boîte de Petri dish, cette fois-ci sur des cellules souches humaines. L'activation par le laser à faible intensité, a également réveillé. Restant encore à comprendre les mécanismes biologiques impliqués, les chercheurs ont démontré que la stimulation des cellules souches avait pour pivot un facteur de croissance très répandu dans l'organisme, ce qu'on appelle le TGF bêta 1. Il est impliqué dans de nombreux processus biologiques comme le développement, le système immunitaire ou la cicatrisation. Jusqu'à la publication de cette étude dans Science Translational Medicine, l'efficacité clinique des lasers à faible puissance était controversée. Les chercheurs ont montré ici, sans équivoque possible, l'effet moléculaire qu'il engendre, du moins sur les cellules souches de la pulpe des dents. Cet outil laser remarquablement simple d'utilisation offre sans doute des solutions dentaires futures innovantes. Son usage ne pourrait-il pas être transposé à d'autres cellules souches plus tard et à d'autres tissus? Donc, encore une autre avancée d'un bon grand pas par en avant. Piloter un avion par la pensée maintenant. Un groupe de chercheurs allemands travaillant pour le projet européen Brain Flight affirme qu'il est possible de piloter par la pensée un avion. L'algorithme mis au point pour interpréter l'électroencéphalogramme a donné des résultats prometteurs lors de tests sur simulateurs de vol. Des chercheurs allemands de la TUM, la Technische Universität München, et de la TUB, la Technische Universität Berlin, la TUB et la TUM. Des tests menés avec des simulateurs de vol leur ont permis de montrer qu'il était possible de piloter un avion par la pensée et pas seulement de déclencher certaines opérations comme le tir d'un missile. Les informaticiens et les spécialistes en neurosciences de l'équipe FIFA, pas la même FIFA qu'on connaît, la Physiological Parameters for Adaptation de la TUB, tu vois, c'est le nom nommé en anglais, tu sais. Hein? On a développé un algorithme de traitement des signaux électriques, enregistré sous forme d'électroencéphalogramme par des électrodes portées par une coiffe, un casque. L'algorithme ne permet pas à proprement parler de lire dans les pensées, mais il permet de relier certaines d'entre elles à des commandes bien précises. Des tests ont été effectués avec 7 cobayes possédant divers niveaux de pratique du pilotage d'avion. L'un d'eux n'avait même jamais pris place dans un cockpit. Et il a réussi à faire venir l'avion. Les résultats ont été très encourageants. Certaines personnes ont réussi des exercices faisant partie des tests pour décrocher une licence de pilotage. L'un des cobayes a même réussi un atterrissage, alors que d'autres ont effectué sans problème des manœuvres d'approche pour un atterrissage dans de mauvaises conditions de visibilité. Il reste tout de même un problème à résoudre, celui de permettre aux pilotes de ressentir les contraintes mécaniques subies par les gouvernes d'un avion en vol. Toutes ces études ont été menées dans le cadre du projet Brain Flight, financé par des fonds européens. Une vision à long terme du projet est de rendre le pilotage accessible à plus de gens. Bonne nouvelle. Mais maintenant, une plus mauvaise nouvelle pour les fans de selfies. Dans un musée, les visiteurs se souviennent moins des objets qu'ils ont photographiés que de ceux qu'ils ont simplement observés. Photographier un événement nous empêcherait de l'enregistrer correctement dans notre mémoire. Si nous prenons des photos, c'est pour nous souvenir des moments importants de notre vie, mais la photo favorise-t-elle vraiment la réminiscence des événements? Une étude parue dans Psychological Science semble justement montrer que le fait de prendre des photos nous empêche d'enregistrer correctement des détails dans notre mémoire. Les chercheurs ont réalisé deux expériences pour savoir si le fait de photographier des objets avait une influence sur ce qu'on retient d'eux. Dans la première expérience, 27 étudiants ont fait une visite dans un musée d'art afin de voir 30 objets, dont 15 devaient être photographiés et 15 simplement observés. Les participants avaient 30 secondes pour observer l'objet ou encore 20 secondes pour l'observer et 10 secondes pour le photographier. Le lendemain, ils devaient noter les noms des objets dont ils se souvenaient et répondre à des questions sur les détails. Le taux de réponse correct sur les détails des objets photographiés était de 55% contre 64%, pour les objets seulement observés. Vous voyez 9% de moins pour les objets qui avaient été pris en photo pendant 10 secondes et 20 secondes regardés versus l'autre qui avait été simplement regardé pendant 30 secondes. Ça, c'est 64%. Les participants se souvenaient moins bien donc d'objets photographiés que de ceux qu'ils avaient uniquement regardés. Pour savoir si le temps d'observation de l'objet a influencé les résultats, les chercheurs ont mené une autre expérience avec 46 personnes. Cette fois-ci, au cours de leur visite au musée, les participants ont vu 27 objets, 9 étaient observés, 9 autres photographiés en entier, et pour les 9 autres, les participants devaient photographier en détail. À chaque fois, les participants observaient les objets pendant 25 secondes et pouvaient ensuite les photographier. Le temps d'observation était donc toujours le même. Le lendemain, les participants devaient se souvenir des objets du musée. Et là encore, quand l'objet était photographié en entier, les participants s'en souvenaient moins bien. Parce qu'on porte moins attention, on a regardé les détails, mais on se dit « bah, je vais les voir plus tard sa photo pareil, ça change rien si je regarde pas autant ». Dans cette seconde expérience, zoomer protégeait la mémoire des détails, indépendamment du détail grossi. Même les détails non zoomés étaient mieux retenus si le participant avait photographié une autre partie de l'objet. La manière dont la photographie était prise avait donc un effet sur le processus de mémorisation. C'est vraiment super intéressant. L'hibernation artificielle passera-t-elle de la fiction à la réalité? Une équipe de chirurgiens américains a reçu l'autorisation de mettre en pratique une technique d'hypothermie thérapeutique digne des films de science-fiction. Elle consiste à remplacer le sang de patients en état critique par une solution saline froide, pareil comme on se met dans le nez et dans les yeux. Peut-être pas dans les yeux, surtout dans le nez. Ils seront alors en état de mort clinique apparente pendant quelques heures, le temps nécessaire aux opérations qui leur sauveront la vie. Il s'agit peut-être du premier pas significatif vers l'hibernation humaine artificielle. De 2001, l'Odyssée de l'espace à Avatar, les films de science-fiction mettent souvent en scène le concept d'hibernation ou de biostase dans les récits d'expéditions interplanétaires ou de voyages interstellaires. L'hibernation est vue depuis longtemps comme potentiellement intéressante pour les missions spatiales. Faire hiberner pendant quelques mois ou quelques années une partie de l'équipage, voire sa totalité, permet de réduire les réserves de nourriture et d'oxygène nécessaires pour un voyage. Sur le plan psychologique, un tel sommeil éviterait des crises de dépression ou encore des conflits entre les personnes devant se supporter dans un espace confiné durant une longue période. Sans aller jusqu'à imaginer mettre des êtres humains en biostase pendant des dizaines d'années, voire des siècles comme dans Aliens, le retour, on peut se demander si la réalité ne va pas rattraper la fiction avec une récente autorisation donnée aux chirurgiens de la UMPC Presbyterian Hospital à Pittsburgh en Pennsylvanie. Ils pourront mettre en pratique sur 10 patients en état critique à la suite de blessures ayant entraîné des pertes massives de sang, une technique d'hypothermie thérapeutique qui a donné de bons résultats sur des cochons. Ça fait moins bulletin de nouvelles quand je dis con. D'ordinaire, une personne ayant perdu la moitié de son sang à son arrivée au bloc opératoire n'a que 7% de chances de survivre. Lorsque un cas similaire se présentera dans un hôpital à l'avenir, les médecins lui perfuseront immédiatement une solution saline froide pour remplacer son sang. La température du patient va chuter alors à 10 degrés Celsius en 15 minutes environ. Il apparaîtra comme cliniquement mort. Pas de battement de cœur, pas de respiration et un encéphalogramme plat. Au lieu des 5 minutes disponibles d'ordinaire pour la chirurgie, et bien les chirurgiens vont pouvoir avoir 2 heures au maximum devant eux pour stopper les hémorragies provoquées par des blessures nombreuses et relancer ensuite les battements cardiaques. C'est pas la première utilisation chirurgicale d'une technique d'hypothermie thérapeutique puisque les expériences ont commencé dans les années 50. Mais jusqu'à présent, la température des patients, bien qu'abaissée lors de certaines opérations du cœur et du cerveau à l'aide de blocs de glace ou en refroidissant le sang dans un système externe, restait au-dessus des 30 degrés Celsius. Et là, comme on a dit tantôt, on passe en dessous de 10 degrés Celsius. Encore, je dis toujours la même chose, mais que c'est donc intéressant d'avoir des nouvelles d'avancées sérieuses et utiles. Ici, c'est pas vraiment une avancée, c'est plus un compte-rendu. Mais selon une étude écossaise, le fait de parler 2 langues ou plus permettrait de ralentir le déclin cognitif. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui décident d'apprendre des langues. Et en fait, c'est valable également pour ceux qui décident d'apprendre à l'âge adulte. Les chercheurs de l'Université d'Édimbourg se sont appuyés sur les données médicales de la Lothian Birth Cohort 1936, actuellement composée de 835 anglophones nés et vivants dans la capitale écossaise. Cette année-là, comme en 1921, une cohorte de nouveaux-nés était créée dans la région de Lothian, à l'est de l'Écosse. Pour suivre entre l'enfance et la vieillesse leur performance cognitive, initialement mesurée à l'âge de 11 ans. Tous les participants de la cohorte de 1936 ont ainsi réalisé un test de la cohorte 1936, pardon. Ont ainsi réalisé un test d'intelligence en 1947, puis ils ont réitéré l'opération entre 2008 et 2010. Au total, 262 participants étaient en mesure de s'exprimer dans au moins une autre langue que l'anglais. 195 avaient appris cette seconde langue avant 18 ans et 65 après 18 ans. D'après les résultats publiés dans la revue Annals of Neurology, ceux qui parlaient au moins 2 langues possédaient de meilleures capacités cognitives par rapport à la moyenne attendue de leur âge. Les effets de l'apprentissage de langues étrangères avaient déjà été remarqués. Ici, les plus probants ont été notés sur les exercices de QI, et de lecture. Éléments encourageant ces effets ont été observés chez tous les bilingues, quel que soit l'âge d'apprentissage de la seconde langue. Le bilinguisme, même acquis à l'âge adulte, peut ralentir le vieillissement cognitif, nous disent-ils, et prévenir certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Encore une fois, une bonne chose. Moins utile ici comme étude, mais quand même, les rats auraient des regrets. On le pensait propre à l'homme, mais le regret s'exprime aussi chez les rats. Ce sentiment est visible dans son comportement et dans son cerveau, affirment pour la première fois des neuroscientifiques de l'Université du Minnesota aux États-Unis, après une expérience appétissante pour les rongeurs. À l'instar du rire chez les singes, le regret pour la première fois observé chez le rat ne serait plus un sentiment propre à l'homme. Pour arriver à cette conclusion, Adam Steiner, un étudiant du 3e cycle en neurosciences à l'Université du Minnesota aux États-Unis, assisté du professeur David Reddish, ont testé des rats dans un circuit baptisé « Restaurant Row ». Dans le dispositif expérimental, chaque rat pouvait choisir entre 4 plateformes offrant chacune une friandise à base de bananes, de chocolat, de cerises ou, pour faire office de témoin, juste une substance quelconque insipide. Pour les consommer, le rongeur est contraint à une attente plus ou moins longue de 1 à 45 secondes qui lui est mentionnée par un signal sonore. Sachant que son temps total de restauration est crédité de 60 minutes par jour, le gourmand doit gérer au mieux ses choix journaliers. Patienter donc soit option 1, hein, patienter longtemps pour une récompense alléchante, ou bien, option, mettons, B, passer son chemin pour une autre possiblement moins appréciée. Lorsque ça arrive, le rat peut revenir sur ses pas et finalement accepter de faire la queue au premier restaurant. Il peut aussi ne pas prendre son temps, mais se précipiter pour manger son butin de second choix avant de poursuivre son chemin. Des preuves comportementales de regret, donc. Pour également vérifier l'hypothèse au niveau neurologique, les chercheurs ont analysé le cortex orbitofrontal et le striatum de leurs participants, deux parties du cerveau connues chez l'homme comme chez le rat pour être impliquées dans la mesure d'enjeu et la prise de décision. Ces ondes se sont révélées actives après reniflement de certaines odeurs par les rats et de leur entrée dans certains restaurants. Dans des conditions de regret, les cellules neuronales réagissent de façon significative après que les rats aient volontairement ignoré certains cortex, certaines portes d'entrée. Cortex, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. L'activité du cortex, sûrement à cause de ça. L'activité du cortex orbitofrontal de ceux qui se retournaient vers leur premier choix traduisait une mauvaise décision, rapportent aussi les neuroscientifiques. Première fois, je me rends jusqu'à la fin de cette musique-là. Le résultat publié dans la revue Nature Neuroscience montre que chez les rats qui ont reconnu avoir fait une erreur, les indicateurs dans le cortex orbitofrontal représentaient l'occasion manquée. De façon similaire au cerveau humain, le cortex orbitofrontal du rat correspond à ce qu'il aurait dû faire et non à la récompense manquée. Ça a un sens parce qu'on ne regrette pas la chose qu'on possède pas, on regrette la chose qu'on n'a pas faite. Selon les auteurs, ça c'est une citation en passant, selon leur auteur, ces découvertes serviront de nouveau de travaux préliminaires en vue de mieux comprendre pourquoi les hommes agissent comme ils le font et comment le regret affecte leurs décisions. Voilà. Et finalement, dormir facilite l'apprentissage. Des chercheurs américains, en collaboration avec des confrères chinois, viennent de mettre en évidence la biologie d'un vieil adage « dormir bien pour apprendre bien ». Ils ont observé chez la souris que le sommeil favorise la formation et le maintien de connexions entre neurones qui sont clés de la mémoire. L'apprentissage et la mémoire reposent sur l'extraordinaire plasticité du cerveau. Cette capacité qu'ont les neurones de former de nouvelles connexions entre eux par l'intermédiaire de synapses. Je cite, « Avant l'apprentissage, les dendrites. Des neurones sont simples, comme des racines d'une fleur que vous venez de planter. » J'aime ça quand on m'explique avec des images comme ça, parce que pour vrai, des fois, je ne saisis rien. L'apprentissage entraîne, je cite, « des duplications d'épines dendritiques jusqu'à ce qu'un système très dense, comme des racines d'une plante, envahisse tout un pot. » Et ce sont ces connexions durables qui font la mémoire à long terme. Ce sont ces épines dendritiques, protubérances sur les bras des cellules postsynaptiques, qui interpellent les chercheurs de NYU Medical Langone Center. Ils ont scruté le cortex moteur de souris avant et après leur avoir enseigné un numéro d'acrobatie, donc avancé sur une tige filetée en rotation sur elle-même. Quand même une grosse cascade pour une souris. L'augmentation observée du nombre d'épines dendritiques se formant sur les neurones est le reflet de l'apprentissage de cette nouvelle tâche. De notoriété publique, le sommeil semble conforter l'apprentissage. Je cite, « Si vous ne dormez pas bien, vous n'apprendrez pas bien. » Nous assure le principal auteur de ces travaux publiés dans Science. Mais quel mécanisme biologique est responsable de ce phénomène? Pour apporter une réponse, les scientifiques ont modifié le sommeil des équilibristes murins, murin qui est une sorte de chauve-souris. Différentes espèces de chauves-souris. Oui. Juste après apprentissage, un premier groupe travaille pendant une heure puis se repose pendant sept. Le second ne peut dormir à la suite de cet exercice-là. Il s'avère que le nombre d'épines dendritiques formées varie d'une équipe à l'autre. Les souris fatiguées présentent moins de connexions entre les neurones que les souris qui ont, elles, dormi. Les scientifiques se sont ensuite demandé quel effet aurait un sommeil de 16 heures après la séquence de repos interdite aux souris du second groupe. Le nombre d'épines dendritiques formées n'atteint pas celui des souris ayant dormi juste après leur formation. Les chercheurs constatent le même type de résultat en entraînant deux fois plus les souris fatiguées. Rien ne vaut le sommeil, et notamment le sommeil profond, donc la phase pendant laquelle le cerveau est traversé d'ondes lentes. Pendant cette période, les neurones du cortex moteur précédemment sollicités par l'acquisition de l'exercice sont réactivés et revivent l'activité apprise avant l'endormissement. Les nouvelles synapses sont consolidées. En perturbant le sommeil profond des souris, les scientifiques ont mis en évidence que les connexions neuronales diminuent, compromettant la mémorisation de la tâche. Pour faire la lumière sur le processus, les souris utilisées par Wenbi Hogan et ses collègues étaient génétiquement modifiées de façon à exprimer une protéine fluorescente dans les neurones. Grâce à la technique de la microscopie à deux photons, les scientifiques ont ainsi pu voir la croissance des épines sur différentes branches de dendrites. Selon la compétence à acquérir, qui était marcher ou reculer sur la tige, dont on a parlé tantôt, ces excroissances communicantes ne se développent pas sur le même bras du neurone. Chaque apprentissage produit des changements structurels spécifiques dans le cerveau, et du moins chez la souris, et seulement si elle dort après sa formation. Waouh! Wow! Voilà pour Merci Science. On avait deux semaines de nouvelles à rattraper. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long de prévu. Mais quand même, je trouve qu'on a appris bien des choses. J'aime ça, apprendre avec vous. Oh, Mathieu Plante Chou. Voilà. Merci Science, on fait ça en deuxième partie de l'émission chaque semaine. Maintenant, on prend une petite pause musicale et on fait la pause de la demi. Dans quelques instants, on va faire... je pense qu'on va être rendu au bloc Geek CNX dans quelques instants. Mais avant ça, une chanson chiptune par Nitro Pulse. On s'en va entendre Mango Boy, entre parenthèses Smash Boy et Nitro Pulse. Au Mathieu Plante Show. Sur C'est fou. Nitro Pulse featuring Smash Boy et la pièce Mango Boy au Mathieu Plante Show. Ce qui nous amène à CNX. CNX, le bulletin geek, des choses qui sont passées dans le domaine nerdy geek depuis les deux dernières semaines. Mais pour vrai, cette semaine, étant donné qu'on n'était pas là la semaine passée, je veux pas ramener les nouvelles de deux semaines, ça me tente pas du tout. J'ai pas envie de parler d'iOS 8, j'ai pas envie de parler de OS 10, Yosemite. Les nouvelles ont été disséminées un petit peu partout sur Internet. On parle à la place d'avancées technologiques qui n'ont pas rapport avec la science. Un petit peu comme tantôt, mais plus dans le domaine technologique. On commence avec des lunettes de soleil géolocalisables inventées par la marque australienne Tsukuri. Une excellente sauce aussi, je pense, dans ça, c'est tzatziki. Dans la longue liste des objets que l'on perd sans arrêt, les lunettes de soleil sont en bonne place. Mais avec l'application Tsukuri, ces moments pénibles ne seront plus que de mauvais souvenirs. À l'approche de l'été, une société australienne a annoncé les premières lunettes géolocalisables. Un objet de plus qui entre dans la longue liste des objets connectés, ce qu'on appelle « the Internet of Things ». Équipées d'une puce Bluetooth Low Energy, les lunettes sont reliées à une application pour téléphone intelligent spécialement conçue pour les retrouver. Comme une personne sur deux perd ses lunettes dès la première année de leur possession, ce qui coûte 3 milliards de dollars à chaque année aux États-Unis, c'était clairement un problème à résoudre, nous dit la compagnie. Si vous êtes à plus de 5 mètres de vos lunettes, une notification vous alerte pour vous prévenir. Ben, en fait, une notification vous alerte, notification, c'est pas mal l'équivalent en anglais du mot alerte, mais bon. Pour vous prévenir que vous êtes sur le point de les égarer. Un rappel est lancé tous les 5 mètres, sauf si vous décidez d'appuyer sur le bouton pour annuler la notification. Dans le cas où vous ignorez ces notifications, que vous n'en aviez pas conscience, votre portable conserve automatiquement les données de géolocalisation de vos lunettes afin que vous puissiez revenir plus tard pour les retrouver grâce à la technologie iBeacon de Apple. Toutefois, avec les lunettes sur le nez que vous vous apprêtez à oublier votre téléphone cellulaire, le téléphone se mettra à sonner pour vous éviter un outil regrettable. Donc, ça fonctionne des deux bords. Si vous oubliez vos lunettes, ça va vous le dire. Si vous oubliez votre téléphone, mais que vous avez vos lunettes, ça va aussi vous le dire. Les lunettes Tsukuri, dont la sortie est prévue pour la fin de l'année 2014, seront disponibles en 6 déclinaisons. Inspiré de différentes personnalités, dont John Lennon, JFK, Tom Ford, Grace Kelly, Truman Capote ou encore Atticus Finch. Quant à l'alimentation de la plus petite puce iBeacon du monde, de minuscules panneaux scolaires, ils ont été intégrés pour recharger la batterie de ces lunettes high-tech. Les verres des lunettes Tsukuri sont conçus au Japon de façon artisanale. Justement, artisanal veut dire cher, 350$ pour ces lunettes dépendantes de la technologie d'Apple, donc uniquement compatible avec les iPhones plus récents à partir du 4S. La firme française Aldebaran s'est alliée à l'entreprise japonaise SoftBank pour concevoir Pepper, un robot de service personnel capable d'interpréter les émotions. Il mesure 1,20 m, parle avec une voix de petit garçon et peut interpréter les émotions. Pepper est la nouvelle création de l'entreprise française Aldebaran, spécialisée dans la robotique. Destinée à être utilisée au sein d'un foyer, ce robot humanoïde est capable de comprendre les émotions de ses utilisateurs et de réagir en conséquence. Il peut réaliser certaines tâches quotidiennes et même apprendre pour améliorer ses performances. Le robot utilise une connexion Internet pour récupérer des informations partagées dans un nuage, un cloud dédié. Et dans l'optique de développer ses capacités, une possibilité qui se limitera à ses facultés d'apprentissage parce que Pepper ne pourra pas partager de données personnelles concernant ses utilisateurs. Doté de deux bras, deux mains, une tête, un écran et monté sur roue, cet assistant personnel n'est pas seulement un prototype dévoilé par Aldebaran et SoftBank, il sera bientôt une réalité concrète. Puisque sa commercialisation grand public débutera en février 2015 au Japon. Les tarifs annoncés s'avèrent par ailleurs accessibles pour un tel produit. Le Pepper ne coûtera que l'équivalent de 1 400$ environ américains. Ben, ça dit euros. Enfin. La commercialisation de Pepper au Japon devrait donner le coup d'envoi de l'arrivée de ce genre de robot sur le marché à destination du grand public. On s'en vient vers les Jetsons. Intel veut favoriser la démocratisation de la robotique en proposant une plateforme open source qui permet à quiconque d'imprimer un robot à l'aide d'une imprimante 3D. On reste dans le domaine des robots, donc. La partie électronique et mécanique sera commercialisée sous forme de kit d'un ensemble. À terme, Intel espère que les amateurs pourront fabriquer leur robot programmable pour moins de 1 000$. Dans le cadre d'un programme dénommé 21st Century Robot, Intel a créé les fichiers à source libre et ouverte nécessaires à la fabrication d'un robot avec une imprimante 3D et qui peut être programmé pour accomplir toutes sortes de tâches ou interagir avec les humains. Pour illustrer le concept, le géant américain vient de dévoiler Jimmy, un sympathique robot humanoïde qui marche par le fait de la reconnaissance vocale et envoie des messages via Twitter. Il ne s'agit là que d'un exemple car l'objectif est que chacun puisse créer son robot personnalisé. La version grand public du concept repose sur la plateforme Intel Edison, basée sur un processeur Atom. Intel entamera prochainement la commercialisation d'un ensemble qui comprendra ce composant informatique ainsi que toutes les pièces mécaniques non imprimables en 3D. Le but avoué de la marque est de faire en sorte que d'ici 5 ans, les amateurs puissent construire leur robot pour moins de 1 000 $. Une version plus performante de Jimmy, basée sur un processeur Core i5, est destinée aux chercheurs et professionnels et disponible en précommande pour 16 000 $. Ce concept se veut aussi aussi simple qu'un smartphone. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Le reste, c'est du blabla de marketing. Darty a présenté son bouton. C'est vraiment le nom du produit Bouton, un dispositif connecté permettant de communiquer de nouvelles manières avec son service à la clientèle à distance. Un réfrigérateur et sur ce dernier, un petit bloc carré de 7 cm de côté. Le bouton de Darty ne passe pas inaperçu. Cet appareil aimanté et aux couleurs du logo du commerçant, c'est un rond blanc sur un fond rouge avec la police la plus basic du monde qui dit Darty. Donc, cet appareil-là, aimanté, appelle automatiquement son service à la clientèle lorsqu'on appuie dessus. On peut alors demander une assistance d'épanage, de l'aide pour utiliser un appareil ou encore commander des choses, des produits pour aller dans le réfrigérateur. Les opérateurs situés dans l'un des 7 centres de France sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le bouton dispose d'une autonomie de 2 ans, assurée par 2 piles 3A qu'il faut changer soi-même lorsqu'il y a signe de faiblesse. Il utilise une connexion Wi-Fi pour fonctionner et paramétré en fait en Bluetooth à partir d'une application iOS ou Android. Darty présente son bouton d'assistance connectée comme une première mondiale en la matière en mettant en avant sa conception et sa production made in France. Les centres d'appel de Darty sont situés en France, emploient quelques 750 personnes. L'entreprise met ainsi l'accent sur la proximité avec ses clients, mais également avec les autres, car le service associé au bouton va au-delà des produits vendus par l'enseigne. Il va être possible d'utiliser le bouton avec d'autres produits de d'autres compagnies. On s'en doute, un tel service n'est pas gratuit. Le bouton coûte 25 euros à l'achat, auquel s'ajoute un abonnement mensuel de 2 euros, un tarif proposé pendant une période de lancement de 6 mois et qui va augmenter par la suite. Il est également possible de faire l'impasse sur le bouton physique et de souscrire uniquement à un abonnement. Donc, l'idée est d'avoir un bouton sur un produit. C'est pour avoir un bouton sur ton ordinateur, un bouton sur ta console de jeu et quand tu appuies dessus, tu as du service à la clientèle. C'est on ne peut plus inutile, mais en même temps, je sais pas. Moi, je vois pas de futur pour ça. Absolument pas. Je me dis, tu vas sur le site internet www.darty.com et tu demandes de l'aide au chat en ligne. T'as pas besoin d'un bouton. En plus, faut que tu payes pour avoir un bouton de service à la clientèle. C'est quand la dernière fois que vous avez appelé un service à la clientèle? Je sais pas. C'est une idée. Vous en pensez ce que vous en voulez. Une meilleure idée, et ici une idée trifluvienne, peut-être avez-vous entendu parler de ces deux jeunes garçons, Philippe Massicotte et Thomas Dupré, deux finissants du séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières qui ont peut-être trouvé la solution optimale afin d'éviter à des centaines de milliers de personnes de souffrir de maux de dos en raison d'une mauvaise posture au travail, nous dit le Nouvelliste. En effet, les génies Philippe Massicotte et Thomas Dupré feront rayonner leur institution et leur ville à l'échelle mondiale à l'Expo Science Internationale grâce à l'invention d'une ceinture intelligente qui émet une vibration lorsque la position du dos n'est pas adéquate. De fil en aiguille, les deux étudiants du profil sciences au séminaire ont gagné le cœur des juges lors des rendez-vous locaux, régionaux, en fait, je pense que c'est singulier, local, régional, provincial et national. Chaque fois, ils ont présenté un prototype amélioré et ils souhaitent encore peaufiner leur outil de prévention. Grâce à leur projet, les deux adolescents ont reçu une multitude d'honneurs, dont le prix de l'excellence, médaille d'argent remis par Science Jeunesse Canada et un paquet d'autres. Évidemment, toute cette reconnaissance représente une belle motivation pour les deux comparses de redoubler d'ardeur afin de peaufiner encore davantage leur invention et ainsi attirer les regards lors de l'Expo Science Internationale qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique, en juillet 2015. En 2013, à Abu Dhabi, ce sont plus de 1200 participants qui avaient pris part à ce rendez-vous international du savoir. Plusieurs entreprises pourraient éventuellement être intéressées par un tel produit afin de mieux protéger leurs travailleurs. D'ailleurs, la ceinture a assurément piqué la curiosité de la ville de Trois-Rivières, nous dit-on. Malgré les nombreux commentaires élogieux reçus pour leur ceinture, les deux camarades indiquent ne pas avoir encore reçu d'invitation à commercialiser leur projet, mais ça va. Félicitations. Les chercheurs de Microsoft travaillent actuellement sur plusieurs optimisations logicielles et matérielles qui permettront à terme d'obtenir une semaine complète de charge sur son téléphone cellulaire, à la place d'une journée ou trois quarts de journée. À l'occasion d'une conférence de presse organisée par le MIT à San Francisco, le chercheur Ranveer Chandra explique que si les performances des smartphones se sont multipliées avec la prise en charge du multicœur et des GPU toujours plus puissants, la capacité de la batterie n'a pas suivi une évolution similaire. La batterie aurait ainsi seulement doublé en capacité au cours des 15 dernières années. Microsoft procède ainsi à des ajustements tant au niveau du système d'exploitation que des composants. Ainsi, plutôt qu'une grosse batterie, Microsoft expérimente avec deux plus petites batteries. L'une est optimisée pour fournir une grande quantité d'énergie, par exemple lorsque le Mobino exécute un jeu. L'autre ne fournirait qu'un petit courant nécessaire pour maintenir l'appareil en état de veille. Il en résulterait une autonomie entre 20 et 50 % plus importante. Monsieur Chandra explique qu'actuellement, la batterie d'un smartphone est pensée pour une consommation d'énergie moyenne. Or, bien souvent, celle-ci doit fournir un courant pour lequel elle n'a pas été optimisée, qu'il soit important ou très faible, et il en résulterait une perte d'énergie. Côté logiciel, l'homme explique que son équipe a conçu un algorithme capable de déterminer la quantité d'énergie qu'une application nécessitera lorsqu'elle est en cours d'exécution. Un autre jeune inventeur, mais des Philippines cette fois-ci, Angelo Casimiro participe au concours Google Science Fair et a conçu un mécanisme permettant de recharger l'appareil tout en marchant. Hein, peut-être encore plus qu'une semaine, on va pouvoir y aller pour toujours avec la batterie en marchant simplement. Le jeune inventeur souhaitait mettre au point une batterie qui ne fasse pas appel à un élément externe comme l'intensité du soleil ou du vent. À l'idée d'obtenir une charge régulière. En partant du constat que l'homme effectue au quotidien 7000 pas en moyenne, il s'est alors tourné vers la piézoélectricité. Concrètement, le jeune garçon a conçu une semelle dotée de membranes piézoélectriques que le pied écrasera à chaque pas. Celles-ci généreront donc de l'électricité qui sera ainsi stockée au sein d'une batterie à laquelle l'appareil sera connecté via USB. Pour l'instant, le concept n'en est qu'à ses débuts. Angelo Casimiro estime qu'il faut 8 heures de jogging pour obtenir une charge de 400 mAh, c'est-à-dire assez pour recharger 20 % de son smartphone avec une batterie de 2000 mAh. C'est pas beaucoup. Toutefois, si le mécanisme s'avère pour l'heure peu pratique pour les smartphones, il devrait permettre de recharger les batteries, assurant l'éclairage de quelques ampoules dans les régions reculées, par exemple. Des chercheurs de l'université de Akron en Ohio ont développé une nouvelle surcouche à destination des écrans de téléphone portable qui va permettre de les rendre quasiment incassables, et ce à moindre coût. En combinant une surface de polymère avec une couche d'électrode transparente, ils ont conçu un film de protection flexible et très résistant. Ce dernier dispose d'un rendu aussi transparent que les films de protection à base d'oxyde d'indium éteint, ce qu'on appelle le ITO, actuellement utilisé pour protéger les écrans de smartphone, tout en offrant une protection beaucoup plus solide, capable de résister à plus de 1000 chocs et torsions. L'autre intérêt de cette technologie, c'est qu'elle s'avère peu coûteuse à produire. En raison de sa grande flexibilité, ce nouveau film pourrait être fabriqué en gros rouleaux, idéal pour la production de masse qui pourrait ensuite adapter la découpe aux différents terminaux concernés. Les téléphones cassés, ça arrive encore aujourd'hui, mais malgré les Gorilla Glass. Hein. C'est bien malheureux. Espérons qu'un jour, ça va être amélioré parce que des affaires coûtent aussi cher que ça, c'est plate à casser. La Maestros Academy, pilotée par Samsung, a soutenu la création d'un vélo de ville puissamment équipé en système électronique. On parle d'un smart vélo. Une caméra arrière et des projecteurs laser sont connectés à un smartphone nourri d'applications pour sécuriser et optimiser les déplacements du cycliste. Lors de la semaine du design qui se tient chaque année à Milan, Samsung a présenté un prototype de vélo intelligent pensé pour améliorer les déplacements urbains. Ce projet a été réalisé en Italie dans le cadre de la Maestros Academy, une plateforme financée par Samsung qui veut permettre à des artisans de renom d'enseigner leur savoir à de jeunes talents prometteurs. On découvre notamment de la gastronomie. Je pensais pas qu'elle allait faire... Excuse-moi, ils font le tour des autres découvertes. Je vais en parler quand même parce que j'ai commencé. Donc, on découvre notamment de la gastronomie avec Monica Venturi, spécialiste des pâtes italiennes, l'art de la sellerie avec Stefano Parini, ou encore la mode avec le chemisier Alessandro Siniscalchi. On s'en fout. Le vélo intègre, lui, un équipement électronique basé sur un mini PC Arduino, relié à un smartphone maintenu sur la potence à l'aide d'un support magnétique. Et grâce à une caméra placée au-dessus de la roue arrière, le cycliste peut surveiller ce qui se passe derrière lui. Le module embarqué dispose de connexions sans fil Bluetooth et Wi-Fi, le tout alimenté par une batterie placée sous le pédalier. 4 projecteurs laser situés de chaque côté du cadre, à l'avant et à l'arrière, tracent sur le sol des lignes lumineuses afin que les automobilistes respectent une distance de sécurité. Cet éclairage s'active automatiquement en fonction de la luminosité détectée par le capteur du téléphone intelligent. Une application de navigation GPS enregistre les trajets quotidiens et propose une option grâce à laquelle le cycliste peut soumettre un parcours aux autorités municipales afin qu'elles créent des pistes cyclables un jour. Dans la vidéo de présentation, Samsung laisse entendre que d'autres applications seront développées à l'avenir. Pour le moment, ce smart bike n'est qu'un prototype. Et la firme coréenne n'a pas évoqué de projet de commercialisation. Ce projet de vélo n'est pas le seul du genre et certains vont même beaucoup plus loin. Citons l'exemple de l'e-bike, le vélo pour électronique, imaginé par Audi, qui intègre un système d'assistance électronique grâce auquel on peut cabrer le vélo sur la roue arrière et rouler ainsi sans perdre l'équilibre. Wow, c'est cool! J'en veux un! Voilà près de 10 ans, Costando Technologies, une entreprise américaine, planche sur une technologie de projection holographique suffisamment miniaturisée pour être incorporée dans des smartphones, nous dit Futura Science. Nommée Quantum Photonic Imager, elle associe un processeur de traitement d'image à une plaque de silicium parcourue de micro-LED, le tout piloté par un algorithme. Les premiers terminaux mobiles équipés de cette technologie devraient arriver l'année prochaine. Donc, recevoir un appel sur son téléphone intelligent et voir le visage de son interlocuteur apparaître sous la forme d'un hologramme au-dessus de l'écran, c'est ce rêve qu'on s'imagine sorti de Star Wars ou Star Trek. Peu importe. Donc, Ostendo Technologies, une entreprise basée en Californie, travaille depuis près de 10 ans là-dessus. Le Wall Street Journal vient de publier un article qui dévoile cette technologie-là que ses concepteurs disent prête à être commercialisée dès l'année prochaine. L'invention qui porte le nom, encore une fois, de Quantum Photonic Imager consiste en un système de projection miniaturisé basé sur un processeur et un wafer, qui est une plaque de semi-conducteur parcourue d'un réseau de micro-lumière LED. Un algorithme se charge de gérer la couleur, la luminosité et l'angle de chaque rayon lumineux émis à travers 1 million de pixels. L'un des secrets de cette technologie-là est sa résolution, qui atteint 5000 points par pouce, des ppi. Un seul microprojecteur est en mesure d'afficher une image complète sur une diagonale de 48 pouces, mais l'intérêt est qu'il est possible de combiner les modules pour augmenter la qualité et la surface d'affichage. Le Wall Street Journal a pu assister à une démonstration où 6 modules étaient associés pour afficher l'hologramme d'un dé tournoyant dans les airs. L'entreprise assure que cette technologie peut être intégrée dans des téléviseurs, des montres connectées ou encore des tables interactives qui projettent des hologrammes. Elle travaille actuellement à réduire la taille des pixels afin d'améliorer la résolution. La première version commerciale de cette technologie-là doit sortir l'année prochaine et Ostendo affirme qu'on pourra la trouver dans des smartphones avant l'été 2015. Associée à un objectif, la puce occuperait un volume de 0,5 cm3, une taille équivalente à l'appareil photo d'un iPhone. Le prix de ce composant sera d'une trentaine de dollars environ. C'est pas cher quand même. Dans un premier temps, le système se limitera à l'affichage en 2D. Et Ostendo Technologies promet de lancer au cours du second trimestre 2015 une puce capable d'afficher des images en 3D. C'est super gamique, mais en même temps, c'est une option de plus à avoir. Puis c'est pas pour coûter plus cher tant que ça. Ça pourrait être assez futuriste. Sur ma montre, j'aimerais particulièrement ça. Transmettre et stocker de l'électricité sur un câble de cuivre. C'est ce qui est parvenu à faire une équipe de chercheurs grâce aux nanotechnologies. Une innovation qui pourrait bouleverser le design et le développement dans de nombreux domaines, à commencer par les appareils électroniques, mais aussi les voitures électriques ou encore l'aérospatiale. Faire en sorte que les câbles d'alimentation qui parcourent les appareils électriques puissent à la fois faire circuler et stocker l'électricité de la même manière que des batteries, c'est une innovation majeure. Depuis quelques années, ce défi anime plusieurs centres de recherche à travers le monde. C'est le cas notamment aux États-Unis où une équipe de l'Université de Floride centrale travaille sur une nanotechnologie qui permet d'intégrer un supercondensateur dans un câble flexible en cuivre. Cette invention qui fait l'objet d'un article scientifique dans la revue Nature permettrait de fabriquer des câbles qui remplaceraient les batteries dans les appareils électroniques. De quoi faire sauter l'un des derniers verrous qui brident le design de ces produits-là parce que les appareils doivent avoir une épaisseur qui permet à la batterie d'être là. Alors que dans des câbles, on pourrait sûrement minimiser l'épaisseur et la grandeur des appareils. C'est fantastique. Donc allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com parce que ça devient assez technique. On va sauter quelques articles. Je vous laisse lire tout ça sur assemblagerequis.com. Il y a entre autres l'exosquelette contrôlé par la pensée en ouverture du mondial de soccer. Vous avez certainement vu passer ça. Eugène Goustman qui n'a pas passé le test de Turing maintenant. Un adolescent ukrainien de 13 ans. Eugène Goustman. En tout cas, c'est du moins ce qu'ont cru les personnes discutant en ligne quelques minutes avec lui. Il n'est en réalité qu'un programme d'ordinateur organisé dans les locaux de la célèbre Royal Society britannique par la University of Reading. L'expérience a été présentée comme le premier test de Turing passé de façon convaincante par un chatbot. Il semble que l'affirmation soit exagérée. Donc, je voulais en parler parce que beaucoup de publications ont parlé de ça comme si c'était vraiment le cas, qu'il avait réussi à berner un comité. Finalement, il y a des subtilités qui font que c'est pas nécessairement vrai. Pardon, si on en croit le communiqué de... difficulté. Si on en croit le communiqué de presse de l'Université de Reading... Un événement majeur dans l'histoire de l'intelligence artificielle s'est produit récemment dans les locaux de la fameuse Royal Society. Un ordinateur aurait réussi le mythique test de Turing en se faisant passer pour un adolescent ukrainien de 13 ans. Sur 30 personnes discutant chacune pendant 5 minutes avec l'ordinateur, le tiers aurait estimé avoir parlé avec un vrai être humain authentique du nom de Eugène Goustman. L'annonce a été rapidement relayée par la toile mondiale. Tout le monde en a parlé, c'est évident, tout le monde l'avait fait. Pour beaucoup, l'affirmation que l'ordinateur est capable de passer test de Turing revient à dire qu'une machine est capable maintenant de penser et d'être consciente comme un être humain. Le corollaire de tel événement est que la singularité technologique prédite par le gourou du transhumanisme Ray Kurzweil à l'occasion des années 2040 serait en fait imminente. D'accord. Donc, la réalité semble bien différente et plusieurs critiques se sont élevées, soulignant les limites et les exagérations du communiqué de l'Université de Reading. Il y a d'abord le fait que Eugène Goustman n'est pas un super ordinateur, comme ça avait été proposé, mais un programme, un agent conversationnel, un chatbot, c'est-à-dire un logiciel destiné à simuler un certain niveau de conversation en analysant les phrases de son interlocuteur. Il a commencé à être développé en 2001 par un groupe d'informaticiens russes et ukrainiens, en l'occurrence Vladimir Vassilov, Sergei Ulasin et Eugène Demchenko. Guzman est donc un habitué des compétitions où des chatterbots tentent de se faire passer pour des êtres humains. Ainsi, à l'occasion du centenaire de la naissance d'Alan Turing en 2012, Eugène a réussi à tromper 29% des personnes impliquées dans les conversations qu'il a eues là aussi avec 30 personnes en 2 ans. Son score est donc passé de 29 à 33%, ce qui n'est guère impressionnant, nous dit l'article. Donc, allez voir les explications sur le faux test de Turing sur assemblagerequis.com. Je vais laisser sur assemblagerequis.com aussi les résumés des conférences de l'E3. Ceux qui sont intéressés par ça sont déjà allés lire les nouvelles là-dessus. Il y a plein de choses à apprendre sur, entre autres, le nouveau Little Big Planet, The Order 1886, Infamous Second Son, en version DLC, évoqué pour le mois d'août 2014. Le projet Bloodborne, Far Cry 4, un paquet d'autres choses comme ça sur les consoles, sur la console PS4 de Sony. Il y a aussi des nouvelles chez Microsoft. On parle bien sûr de Call of Duty Advanced Warfare, nouvelle édition, Forza Motorsport 5, l'arrivée en DLC gratuit du célèbre circuit Nürburgring, Sunset Overdrive, une exclusivité Xbox One du studio Insomniac Games. Pas qu'à d'autres. Du côté de Halo, aussi en vedette, Halo The Master Chief Collection, qui va sortir en novembre 2014. Chez Nintendo, c'était un événement numérique qu'on a fait à la place de se présenter en personne. Ben, en fait, il y avait des choses en personne là-bas à essayer, mais leur conférence était en ligne le matin du lundi 9 juin. On parle de nouveau Legend of Zelda. Attendu pour 2015, Legend of Zelda Wii U. On n'a pas encore de titre officiel. Le nouveau jeu de Len, Yoshi's Woolly World, qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est un genre de nouveau Yoshi's Island, mais fait avec du tissu et de la laine. C'est vraiment très, très beau. Allez voir ça. Le nouveau Super Smash Bros. A été montré. Évidemment, il y a même eu une petite compétition. C'était belle fun. Ce que j'ai apprécié, c'est moi, c'est les Amiibo, qui est des petites figurines. Genre, mettons Mario, Donkey Kong, et tu peux mettre ta petite figurine sur ta manette Wii U Gamepad et faire rentrer des personnages avec des... un peu comme les Skylanders et les autres jouets qu'on retrouve dans les magasins pour enfants, où on peut... Il y a une petite puce dans la petite figurine et on peut amener des pouvoirs dans la figurine. Donc, si, mettons, tu amènes le personnage de Mario sur ta manette, ça va le faire rentrer dans le jeu. Et si tu gagnes des pouvoirs dans le jeu, ça va se retransférer vers la puce. Tu vas pouvoir amener ta figurine chez tes amis pour continuer avec ce même personnage-là qui a eu plus de pouvoirs grâce à ce que tu as fait. Un autre jeu qui m'intéresse beaucoup, vous voyez que je passe plus de temps sur Nintendo parce que c'est en effet seulement ces consoles qui m'intéressent. Nintendo, j'ai rien à faire avec PS4 et Xbox One, je m'en fous. Mais Mario Maker m'intéresse beaucoup. C'est un jeu où vous allez pouvoir fabriquer votre propre jeu de Mario. Donc avec des tuyaux, des blocs, des ennemis, des affaires comme ça. Et vous allez pouvoir basculer du mode 8-bit NES au mode New Super Mario Bros. Sur la Wii U, donc en temps réel. Donc, tous les graphiques à l'écran vont être rétro. Et là, tu bascules et ça devient plus récent. C'est très, très cool. Hyrule Warriors, un nouveau jeu qui mélange la franchise de Zelda avec la franchise de... c'est quoi déjà le nom de... Fantasy Warriors, quelque chose comme ça. Bref. Bayonetta 2 qui s'en vient sur la Wii U. Et Splatoon, que j'ai mis hâte de voir. C'est un jeu de tir, de genre de liquide. C'est comme du paintball. Mais avec des enfants qui courent puis qui doivent peinturer le plancher. Donc, tu as des grands territoires, tu dois peinturer le plancher avec ton fusil à peinture. Et pour avoir plus de territoire que l'équipe adverse, c'est vraiment très, très cool d'aller voir Splatoon. Donc voilà pour le 3. Je sais que c'est en surface un petit peu, mais malheureusement, c'est tout ce que j'avais envie d'aller lire là-dessus. Je vais sauter par-dessus les ventes de jeux. Je vais aller directement aux nouveautés cette semaine pour sauver un petit peu de temps, parce que comme on a 2 semaines de contenu, je dois vous avouer que je trouve que le temps passe vite pendant aujourd'hui. Donc allons-y avec ce qui se passe, ce qui se passera bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés qui se présentent pour la semaine du 15 au 21 juin. Commençons par Wizard's Lizard sur PC. Nightmare Tower sur PC aussi, qui est coté 5,5 selon la communauté de GameSpot.com. Rhythm Destruction sur PC sort aussi. Ensuite, mardi, EA Sports UFC, Ultimate Fighting Championship, un jeu de combat d'arts martiaux mix sur PS4 et Xbox One. Tropico 5 sort sur PC, c'est coté 8 selon GameSpot. C'est un jeu où tu joues le rôle de El Presidente. Tu contrôles une île qui s'appelle Tropico. Et bref, c'est ça. Battle Princess of Arcadia sort sur PS3. C'est un jeu de rôle beat'em up action RPG. Jeudi, ensuite, jeudi, Pushmo World La suite d'un jeu qui était sorti sur Nintendo 3DS, c'est maintenant sur Wii U, c'est coté 7 selon GameSpot. C'est un jeu où tu dois pousser et serrer des blocs pour faire monter un personnage sur une genre de plateforme. Ensuite, Pro Cycling Manager Season 2014, le Tour de France, sort sur PC. C'est un jeu de management de sport, un peu comme les management de football, mais là, pour le Tour de France. Vendredi, qu'est-ce qui sort au Canada et aux États-Unis? Farming Simulator sur PS Vita et sur Nintendo 3DS. C'est un jeu donc, de simulateur de ferme. Populaire apparemment. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Une petite semaine. Très petite semaine. Tant mieux, ça prend moins de temps dans ce temps-là. Voilà pour le bloc Geek CNX. Plus tard à l'émission, on aura le segment WoW at Web ainsi que C'est un fait Tech Edition. Mais avant ça, on retourne en musique. On s'en va entendre Zinette et Draxes. Tout de suite, vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show. C'est fou. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va faire le bloc WoW What Web, mais avant ça, un petit peu de musique encore, mais tu sais, après ça, Non, en fait, il nous en reste quand même pas mal, de la musique et du contenu. Tantôt, je veux continuer la série Donkey Kong Country 3 Double the Trouble, avec au moins les trois prochaines pièces. Avant ça, par contre, une petite chanson de Monotron avec un cover de Real Big Fish. Oui, vous vous rappelez le groupe Real Big Fish, voici Sell Out tout de suite. C'est fou. génial Monotron et Sal de Real Big Fish, chanson qui date de 96, cover évidemment de ce groupe punk américain. Toujours Mathieu Plancho, maintenant voici Wawat Web. C'est Wawat Web, un petit survol du net. On va faire ça bien vite, mais essayez de pas trop parler de choses que vous avez déjà entendues ailleurs. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, d'y aller avec des choses un petit peu plus obscures. Commençons par un cover, encore une fois, de Game of Thrones. On a chaque semaine des nouveaux. Là, je pense que c'est très, très amusant de faire des covers comme de cette chanson-là, chanson thème. Mais on a un cover particulier ici. C'est sur la NES Guitar, hein? Avec un spectacle de laser et tout ça. On va regarder ça. Donc, introducing, voici pour la première fois le NES Guitar. C'est évidemment un keyboard. Guitar avec une NES dessus. Ah! C'est grandiose. Ça utilise la carte, la chip, la puce musicale, la puce sonore de la NES. Et ça fonctionne toujours comme une console NES, donc on peut jouer à des jeux vidéo encore avec. C'est ce que ça nous dit dans la vidéo aussi. C'est un compositeur, programmeur et fan de Game of Thrones, Greg Stewart, qu'on appelle aussi Theremin Hero. La plupart des boutons sont toujours fonctionnels et peuvent être remappés à différentes fonctions. La whammy bar de la guitare l'est aussi. Ça sort de la puce RP2A03 de la NES, ce qui donne un son vraiment très très 8 bits. Toutes les chaînes sonores, les canaux, sont utilisés dans cette machine. Ça fonctionne avec un Raspberry Pi, les minuscules ordinateurs. C'est écrit en langage Pure Data. Et on peut utiliser une batterie sur son gadget. Donc, pas besoin d'être branché dans le mur. Vraiment très très bon. On va rester dans le domaine du Game of Thrones pour le prochain. C'est l'intro qu'on connaît tous de l'émission, mais remanié à la façon Legend of Zelda. On appelle ça Video Game of Thrones, bien sûr. Bien sûr. Ah, je veux continuer à écouter ça à la place de passer à l'autre. Hein. On a le temps, on a le temps. C'est vraiment épique. Vous pouvez télécharger la chanson dans la description sur assemblagerequis.com, la description de la vidéo. Ensuite de ça, tantôt je parlais donc, avant d'avoir envie d'écouter la chanson complète, de l'ouverture de Legend of Zelda si c'était Game of Thrones. Un peu comme la semaine passée, il y a deux semaines, on a fait jouer la même chose pour Mario. C'était pas mal le même genre. Je me demande si c'est la même personne qui l'a fait parce que ça se ressemble énormément, mais bon. On imite vraiment le style de Game of Thrones avec des maisons et des affaires qui sortent du sol en version 8 bits, mais avec une profondeur. Donc c'est comme du 8 bits 3D, si on veut. C'est très très beau. Les petits arbustes, des maisons de gros arbres ronds. Un peu comme, en fait, c'est les graphismes sont inspirés de la version sur Super Nintendo. Je vais vous laisser aller voir ça parce que j'avoue que parler de vidéos en monde, ça me purge. Je déteste ça. Mais c'est pour vous le faire découvrir. C'est vraiment très très beau, ça vous l'appelle. Pendant qu'on parle de Legend of Zelda, pas de Legend of Zelda, de Game of Thrones. Tant qu'à être là en ce début de chronique. Continuons dans le même domaine. Je vous arrête de façon très très brusque. J'aime les effets sonores qu'ils ont mis par-dessus, je trouve ça cool. C'est la version jazz de Game of Thrones. Au moins c'est musical, c'est plus pertinent à la radio. T'sais. Je crois que c'est sur son banjo, le gars se met à jouer la chanson. Les gens applaudissent, évidemment. Pas le choix. C'est la New Orleans Swamp Donkeys, les au B.B. King's Blues Club de New York. Ça fait très bayou, hein? J'adore ça. Justement, il avait trouvé quelqu'un qui a un bon appareil pour enregistrer le son de ça. Mais bon. Je trouve ça dommage qu'il ait mis autant d'efforts sur le cover et puis qu'on l'enregistre avec un micro de merde. Mais bon. On peut choisir maintenant le mode dragon, parlant encore une fois de Game of Thrones sur Google Maps. Intéressant quand même. Donc les services de 4 qui vous permettent de choisir bon, autobus, train, voiture, pied. Hein? Et maintenant, il y a une option de plus, dragon. Bien sûr, donc si vous voulez voyager d'un endroit à un autre, comme dans Game of Thrones, on dessine le chemin d'un dragon entre Snowdon et Brecon Beacons à Wales, comme étant un voyage de 21 minutes à dos de dragon. Quand même pas sûr. Non, c'est ça? Ouais, en tout cas, peu importe, je pense que c'est peut-être le chemin en avion. Peu importe, allez voir ce que ça donne sur assemblagerequis.com. Souvent, dans ces affaires-là, il faut choisir la version américaine de Google pour pouvoir avoir ces options-là. Donc, cherchez un petit peu, vous allez trouver, c'est sûr. Il y a une femme qui divorce son mari parce qu'elle n'aime pas le film Frozen. Il y a bien des gens qui aiment et qui n'aiment pas le film Frozen. Je crois que c'est un film qui est très, très partagé dans les avis. Mais une femme japonaise qui a amené ça un petit peu trop loin. Sur le site Kikoncha no Akaba, on parle d'une femme de 29 ans qui demande un divorce de son mari parce qu'il n'aime pas le film. Après l'avoir finalement accompagné voir le film animé, sa réaction était, je cite, « J'ai pas tellement aimé ça personnellement. Est-ce que tu trouvais ça vraiment si bon que ça? » Donc, c'est ça. Il demandait un divorce. C'est tellement pas pertinent comme nouvelle. Pourquoi pas c'est montrer un petit peu un GPS de quoi ça avait l'air en 94. Il y a deux semaines, on avait montré les téléphones du futur, tu sais, en 1994. Mais cette fois-ci, c'est la 95 Oldsmobile 88. C'est une voiture, ça, qui avait un système de GPS en option. Le premier de son genre. Ça coûtait 2000$ pour le système de base, avec une couverture très, très limitée. Un accès de faible précision visuelle, si on veut. Non, c'est ça, de faible précision à son réseau GPS du moment. C'était un flop, ça s'est vendu à seulement 2000 unités en juillet 1996, jusqu'en juillet 1996. La moitié de ces unités-là ont été installées dans des voitures à louer de la compagnie Avis. Donc, c'est même pas des gens qui les ont achetées, c'est la compagnie Avis qui les a installées dans ces voitures. Donc, allez voir la petite vidéo pour voir de quoi ça avait l'air. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos du passé comme ça, des choses futuristes, mais du passé. Il y a une petite publicité aussi de Avis qui montrait, qui essaie de vanter ces produits-là sur le site. Ce qui est très à la mode en ce moment, c'est le Luigi's Death Stare. Si vous n'avez pas encore vu ça, je vous ferai même pas entendre la chanson parce que c'est une chanson de hip-hop que j'aime pas bien, qu'on a mis sur l'extrait. Mais c'est Luigi dans Mario Kart 8. Vous savez, dans Mario Kart 8, il y a ce qu'on appelle Mario Kart TV. C'est qu'on peut, lors de la course, à chaque course, en fait, on filme différents angles. En fait, tous les angles sont filmés. Et après la course, tu as l'option de regarder la course et de choisir sur quoi tu veux focusser. Par exemple, bon, je veux focusser sur l'action, je veux focusser sur le personnage de Luigi, je veux focusser sur la princesse. Et ça va te faire un montage de 30 secondes ou une minute avec les extraits, avec les priorités que tu as choisies. Tu n'as pas de capacité de montage vraiment, mais tu peux au moins choisir ce que tu veux dans ta vidéo. Et après ça, poster ça sur le site de Mario Kart 8 et sur YouTube. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ça fait des ralentis. Et quand quelqu'un fait une méchanceté à Luigi, Luigi va avoir tendance à les regarder avec des yeux genre qui tirent des couteaux. Donc c'est la mode présentement de faire des vidéos avec Luigi qui fait son death stare. C'est quand même assez fun à voir. C'est tellement rendu populaire que certains diraient que c'est même fini cette mode-là. Mais bon, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, allez voir les vidéos. Il y en a une tonne. Il y a aussi celle, la revanche de Waluigi. Et un paquet d'autres comme ça sur assemblagerequis.com. Une autre vidéo à vous montrer à la radio, comme toujours, c'est Star Trek. C'est pas une nouvelle idée, mais c'est une nouvelle exécution parce que c'est vraiment très, très réussi. C'est qu'on a pris des vidéos, des clips de Star Trek The Next Generation où il y a des turbulences des fois dans le vaisseau. Et quand il y a des turbulences, bien évidemment, ils n'ont pas fait shaker les caméras. Ils ont fait ça en post-production. Donc, ils ont demandé aux personnages, aux acteurs, de shaker comme si c'était vraiment de la turbulence. Et après ça, en post-production, on a fait trembler l'image au complet pour que ça ait l'air un petit peu plus réaliste. Donc, on a pris de la technologie de stabilisation d'image et on a enlevé le camera shake, le faux camera shake, pour remettre tout ça droit. Et donc, on voit vraiment les acteurs et leur talent d'acteur pour donner l'impression qu'ils shake dans la vidéo. Donc, c'est tout ce qui est le plus anodin. On voit Jean-Luc Picard et ses amis. Chose freak, c'est l'acteur là, avec la barbe, en tout cas, bref. Qu'on voit qu'il prend sa chaise avec ses deux mains pour la faire trembler, pour ajouter un petit peu plus de mouvement à son affaire. C'est bien, bien, bien drôle à voir. De la stabilisation d'image utilisée à bon escient, à mon avis. Il y a un petit tableau qui vous dit combien ça va prendre de temps. Cette nouvelle est super vieille, j'en ai juste pas parlé encore, je l'ai gardé de côté, je voulais en parler le 6 mai que c'est sorti. Mais si vous planifiez un marathon de toutes les saisons de 24, ça va vous prendre 6 jours et 2 heures de suite. T'sais? Et donc il y a un petit graphique qui vous montre, mettons, bon, des séries plus courtes comme Freaks and Geeks, ça va vous prendre 14 heures. House of Cards sur Netflix va prendre 22 heures. Et mettons vous allez jusqu'à 24, ben ça va prendre 6 jours, 2 heures. À la Maison-Blanche, de West Wing, 4 jours, 20 heures. Lost, elle est perdue, 3 jours et 18 heures. Et là, on parle évidemment de temps complet. Donc, c'est sans prendre de pause. Ça, parce que si vous prenez des pauses, ça prend plus longtemps que ça. Hein? Si vous prenez pas de pause, vous allez mourir à la fin. Fait que faites attention. Assemblagerequis.com pour le lien. Ça, c'est un petit peu triste. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Je me demande si... Ça peut avoir l'air un petit peu pathétique, mais en même temps, je le ferais tellement. Trouvez des animaux de compagnie qui ressemblent à ceux que vous aviez avant leur décès malheureux, hein, avec l'application Pet Match. Donc, quand vous perdez un animal de compagnie, c'est ça. Souvent, vous allez vouloir le remplacer par un autre. Il y en a qui vont vouloir le remplacer par un animal très, très similaire. Donc, c'est Pet Match qui promet de vous trouver un animal qui ressemble exactement à votre ancien. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est partir à l'application, envoyer une photo de votre animal et l'application va faire l'analyse. Superfish, la compagnie derrière Petmatch, explique, et je cite, « Nos algorithmes sophistiqués et nos brevets enregistrés nous permettent d'analyser chaque photo et fournir une image presque identique en temps réel. Pas besoin d'humain derrière ça. Une fois qu'on a trouvé un match, l'application va vous envoyer l'information pour savoir où aller chercher votre nouveau compagnon. L'application est sur le iTunes Store. » allons-y avec des dioramas faits de papier, mais des dioramas de jeux vidéo. Un petit peu comme tantôt dans Game of Thrones, je vous parlais de Zelda, l'intro de Game of Thrones avec Zelda. Les affaires sortaient du sol, les arbres, les maisons, les arbustes, etc. C'est la même chose ici, mais en papier, en carton, donc en réel. C'est écrit par Whoops, W-U-P-P-E-S. C'est de l'origami, si on veut, du bricolage, papercraft. Lui, il est spécialisé dans les jeux d'arcade et de consoles comme Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario World et Legend of Zelda. Donc, il fait ça en carton, des vrais modèles en 3D avec la hauteur et la profondeur de tout. Donc, il a fait Metroid, il a fait Street Fighter, il a fait un paquet d'autres jeux comme ça, la version arcade de Donkey Kong. Donc, allez voir ça. C'est même, il les met dans des cadres. Donc, t'as vraiment des cadres de profondeur. Comme si c'était dans la vraie version humaine, si on veut, de ces jeux vidéo-là. Je trouve ça fantastique. Ça, c'est une idée un petit peu plus bizarre, la prochaine. Ça s'appelle paperlater.com. Vous savez comment les journaux sont... c'est le média du futur, hein, comme on dit. Donc, paperlater vous permet de prendre des affaires d'Internet et d'en faire imprimer un vrai journal. Donc, par exemple, ici, on voit sur la couverture de Paperlater Issue Number 1 avec le numéro, le code HPZMUZ, généré le 22 mai à 13h06. Ce numéro contient 8 articles et 27 412 mots. Les mots les plus rares à l'intérieur sont kleptocratique, embayment et intendant. Donc, c'est pour sauvegarder le web pour plus tard. C'est 5 livres par numéro au Royaume-Uni. C'est un nouveau service du Newspaper Club. Pour prendre les choses que vous avez lues en ligne et vraiment faire un journal. Vous pouvez demander une invitation en ce moment, c'est en bêta, c'est seulement disponible au Royaume-Uni. Donc un seul clic et tout ce que vous choisissez va être sauvegardé sur votre journal et un autre clic et ils vont l'imprimer. Évidemment, c'est imprimé sur des templates, donc il n'y a pas de placement parfait, de toutes les lignes qui arrivent droites. C'est juste un titre, une photo, puis du texte dans un endroit où ça rentre. T'sais. Ça devrait juste ça. Donc, ça nous dit, plus besoin de cliquer après ça, seulement s'asseoir, lire et relaxer, comme dans les années 40, à peu près, je dirais. Donc, essayez Paper Later vous-même sur assemblagehockey.com. Le site, c'est paperlater.com. Il y a un nouveau site, clickhole.com, que j'ai découvert cette semaine, découvert avec pas mal toute la communauté Internet américaine. Mais c'est un dérivé de The Onion. The Onion qui est comme, pour les Québécois, peut-être, le Navet, je crois qu'on a, la Pravda, des sites de parodie de nouvelles. Mais à la place, on vient parodier les BuzzFeed de ce monde. Donc, à la place de faire des nouvelles, des articles comme The Onion et des vidéos, ils font un paquet d'autres affaires. À la place, on va vous offrir des quiz. C'est quel personnage de Mad Men êtes-vous? Le top 12, celui que j'ai posté sur Facebook récemment, le top 12 des jeux, pas des jeux, des noms inspirés du Trône de Fer. Là, évidemment, on va sortir des noms absolument improbables comme Dothraki, qui est le langage, R.R. comme George R.R. Martin, Book comme un livre, James O' Thrones, mon préféré, James O' Thrones au lieu de Game of Thrones, Great Episode, super bon épisode, Wizards, HBO Go, Intrigue, Mariage Rouge, le Red Wedding, et Dragon comme un dragon, ou encore juste Ned. Donc c'est le top des noms inspirés par Game of Thrones. Et évidemment, tout ça est complètement faux parce que c'est un site de parodie, clickhole.com. Ce qui est le fun de The Onion, c'est que c'est pas écrit en gros, ceci est un faux article. Donc, les gens qui vont croire qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est appelé James of Thrones, ben, Colin, ben, c'est eux qui ont l'air fous, tu sais. J'adore ça, il y en a plein d'autres. Genre, il y a un article qui s'appelle « Est-ce que vous voulez vous sentir vieux? Le film High Fidelity serait maintenant une jeune fille sexy de 14 ans. » C'est pareil comme BuzzFeed fait. C'est des petits palmarès de choses vraiment pas utiles à savoir, d'informations pas nécessairement vérifiées, puis des choses comme ça. J'adore. Et dans le même genre, c'est shorturl.co. Faut l'écrire S-H-R-T-U-R-L. On enlève quelques lettres. .co. Qui est un site... Non, je trouvais que c'était vraiment un site super cool. Ça vient de fermer. Incroyable, ça a dû être depuis les derniers jours, parce que tu peux prendre n'importe quelle adresse de site web et l'intégrer dans shorturl.co, et après ça, ça te permettait de modifier chaque aspect du site. Donc tu pouvais changer les images, changer les titres, changer les articles, comme ça tu pouvais prendre vraiment genre un site reconnu et taper des fausses affaires dedans puis les envoyer à tes amis. C'était vraiment cool. Donc ils ont fermé, les explications sur pourquoi ils ont fermé sur leur site en ce moment. Il y a beaucoup de commentaires de gens fâchés en ce moment. Mais bon, que voulez-vous, c'est peut-être, je vais en parler, dommage. Voilà, c'est tout pour What Web. On a assez fait de ça. On va se dépêcher. Il nous reste encore une vingtaine de minutes environ à l'émission. Et je tenais à, comme à toutes les semaines, continuer notre série Donkey Kong Double the Trouble. Pour ceux qui suivent ça chaque semaine, ben quand même, félicitations à vous parce que vous avez du goût. Double the Trouble, c'est le titre du 36e album édité par le site Overclocked Remix. Celui-ci présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, sorti sur Super Nintendo en 1996, et celle de la réédition Donkey Kong Country 3, sortie sur Game Boy Advance en 2005, qui avait une toute nouvelle trame sonore. La compilation comprend 77 chansons par une soixantaine d'artistes différents qui réimaginent les compositions originales de Evelyn Novakovic et David Wise dans une variété de styles. L'album a été majoritairement fait par les fans et pour les fans, mais contient aussi du nouveau matériel et des performances instrumentales par David Wise, celui qui était responsable de la musique originale. Vous pouvez télécharger les 5 disques de la compilation sur dkc3.ocremix.org. On va entendre les pièces 16, 17 et 18 aujourd'hui. Plus tard, il y aura Moonbrow ainsi que Archangel, mais on débute avec l'artiste Theophany. Voici Deep Sea Lights Water World au Mathieu Planche. Thank you. Thank you. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Thank you. Les pièces 16, 17 et 18 du disque 1 de Donkey Kong Country 3, Double Trouble. On a débuté avec Deep Sea Lights, Waterworld par Theophany. Ensuite, Exploration Sea, Cavern Caprice par Monobrow. Et on vient de terminer avec Shenanigans, Manatigans, Jungle Jitter par Archangel. Et il reste encore deux pièces sur le premier CD. Ensuite, il reste quatre autres CD. Prenez votre mal en patience. Si vous aimez pas ça, moi j'adore ça. Mais c'est tout pour cette édition du Mathieu Plante Show. On va devoir laisser faire tout le reste. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours en direct les lundis entre midi et 14h. On rappelle les mercredis à 17h. Consultez la programmation sur cif.ca. Retrouvez tous les liens et les notes de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook pour connaître le plan, la belle diffusion et partager une fois de temps en temps. Facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!